dans cette chanson, on aura l'air de vieux cons, de gadjo un peu barbants qui se plaignent. C'était mieux avant, mais là y'a un sujet, on veut vraiment parler. Un temps perdu que les moins de 20 ans ne verront plus. La bière à 2 euros, non, ça n'existe plus. De tous nos bistrots, elle a disparu. La bière à 2 euros, non, ça n'existe plus. De tous nos bistrots, elle a disparu. Les mêmes poupées à l'eau, elle vaut la peau du cul. Les amis qu'on roulerait en Ferrari, en recevant l'ardoise on passerait plus pour des gros nazes. Et avec nos pièces de pied on vous paierait même une tournée. La bière à 2 euros, non ça n'existe plus. De tous nos bistrots, elle a disparu. La bière à 2 euros, non ça n'existe plus. De tous nos bistrots, elle a disparu. Les mêmes poupées à l'eau, elle vaut la peau du cul. Présenté aux élections avec un programme sympa qui plaira pas aux bourgeois. Pour tous les ouvriers, la bière à volonté, et pour les patrons, seulement l'addition. La bière à 2 euros, non ça n'existe plus. De tous nos bistrots, elle a disparu. La bière à 2 euros, non ça n'existe plus. De tous nos bistrots, elle a disparu. Et même poupée à l'eau, elle vaut la peau du cul. Cette chanson, on sera un peu moins con, mais toujours rigolo, pour faire rire dans les bistrots. Plaire aux habitués, essayer de les faire chanter nos petits refrains stupides et bien crétins. La bière.